Sans plus tarder ce matin, parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche ce matin, à la Sainte-Seine aussi, entre autres, auquel on tenait, vu que c'est la fin, hein, la fin de. Enfin, c'est le dernier dimanche avant les vacances. Et puis l'été, le va-et-vient, on se voit de moins, hein, on se voit moins souvent. Fait qu'on a, hein, on a pris cette coutume d'avoir la Sainte-Seine avant le départ des vacances, espérant que Dieu nous protège tous pendant ces vacances-là, puis qu'on revienne tous à l'automne, en forme et bien disposés pour s'engager dans la communauté. Parce qu'on veut parler aussi de ça ce matin. On parle de perspective d'avenir. Et puis, on traite ce matin une dernière valeur, parce qu'on est en train de passer en revue les valeurs de la communauté. Donc, on parle de perspective d'avenir. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? On a pris un texte pour lancer ces partages. C'était un texte de Genèse, chapitre 12, puisque Dieu dit à Abraham, hein, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » Devient donc une source de bénédiction. Et puis, on l'a emphasé, c'est de dimanche après dimanche, qu'une raison d'être, de la communauté chrétienne, une raison d'être aussi de nous comme individus, le pourquoi que Dieu nous, entre guillemets, nous sauve, c'est enfin que nous puissions être une bénédiction pour d'autres. On est béni enfin de bénir. Ça devrait être le but, la devise de notre vie, de pouvoir bénir d'autres autour de nous. Donc, on a parlé des cinq phases d'un changement. Et puis, l'exercice qu'on fait présentement de revoir nos valeurs était donc dans ce contexte-là, qu'une première phase d'un changement quelconque, hein, c'est de connaître, de prendre connaissance de. On a pris connaissance de notre définition comme communauté. La deuxième phase, ou deuxième étape, c'est celle d'appréhender, de comprendre ces valeurs-là pour finalement les accepter et les vivre, ces valeurs-là, dans la communauté. En fait, déjà, on a vu plusieurs des valeurs. Merci toujours, Daniel, hein, d'être là. Et puis, on a vu plusieurs des valeurs. Et puis, on a donc ce préambule à nos valeurs qui dit, par les valeurs suivantes, et j'ai emphasé, l'emphase est la mienne. Donc, par les valeurs suivantes, nous désirons prioriser les relations plutôt que les programmes et ou l'efficacité. Et on a déjà vu donc l'accueil, l'ouverture, l'inclusion, la solidarité communautaire, le respect, l'authenticité. Je veux dire merci. À tous ceux de la table, premièrement la table, les membres de la table de travail, mais aussi les membres de la table de travail qui ont accepté de venir ici en avant et d'exposer une des valeurs et de nous dire pourquoi. Pourquoi est-ce que la table, pourquoi est-ce que les membres de la table ont choisi cette valeur-là? On va y revenir tantôt. Maintenant, ce matin, il nous reste une valeur à voir. Et ça, c'est la valeur de la liberté. Et je vais inviter, sans plus tarder, je ne sais pas de parler aussi vite que comment il s'appelle notre humoriste, là? Oud, là. José Oud, là. Hein? Je ne sais pas de parler aussi vite que lui, mais il va falloir qu'on essaie de faire ça vite, parce qu'on a beaucoup de choses. OK. Le droit à l'erreur. Important, hein? Se donner mutuellement le droit à l'erreur. Comme on a dit, on s'est donné des valeurs. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait dans l'exercice de ces valeurs-là. Maryse, vas-y. Non, mais j'ai juste une réflexion qui me venait quand Michel disait que quand tout le monde a perdu, qui s'attend à un oui, qu'on s'accorde le droit de dire non. Je voulais juste préciser que le non n'est pas forcément une mauvaise réponse. Non, c'est ça. Ça peut être la bonne réponse. Le non n'est pas nécessairement une mauvaise réponse. Voilà. OK. La prochaine étape, c'est d'accepter ces valeurs-là. Accepter notre définition, notre énoncé de mission, nos valeurs, Je dirais, acceptons-nous de conformer notre vivre ensemble à ces valeurs-là. Acceptons-nous comme communauté à vivre ces valeurs que nous avons énumérées. Ou est-ce qu'on va demeurer à l'état des bonnes intentions? Quelqu'un, je ne me souviens plus qui m'a fait cette réflexion-là, mais quelqu'un disait, parce que c'est possible que nos valeurs n'en restent qu'à du charabia. Hein? On a dit bien des choses, on a parlé, voilà nos valeurs, c'est beau, c'est bon. Mais ça peut demeurer de belles intentions, du charabia, à moins que nous, comme communauté, que nous nous engageons à vivre, premièrement, à accepter ces valeurs-là, et puis à s'engager à vivre ces valeurs. Glenn, dans son étude du livre d'Amos, nous a entretenu de la justice de Dieu. La justice, c'est ce qui correspond au caractère de Dieu. Hein? Je ne sais pas si Glenn le dit en ces mots-là, mais moi je le dirais en ces mots-là. Que la justice de Dieu, c'est ce qui correspond au caractère de Dieu. Il me semble que les valeurs que nous avons pondues ensemble, élaborées, que les membres de la table ont élaborées, puis ensuite que les membres de la communauté ont accepté en votant pour cette définition-là, il me semble que ces valeurs correspondent au caractère de Dieu. Que ces valeurs-là que nous avons énumérées, on les voit réalisées dans la vie de Jésus. Et quand j'ai demandé aux membres de la table de venir puis de parler sur ces valeurs-là, je leur ai demandé, entre autres, de se sentir libre, de prendre des exemples de la vie de Jésus. Comment que Jésus, dans sa vie, a manifesté ces valeurs que nous avons adoptées. On dit en anglais un disclaimer. OK? Je vais faire un disclaimer. En disant que ce que je dis ce matin n'engage pas Dieu. Hein? On entend ça à la TV. Ça n'engage pas la direction. Ce que je dis, ça n'engage pas Dieu. Ça n'engage pas non plus la direction de la communauté. Mais ce que je dis, c'est en somme une lecture que moi je fais. Hein? Je vous fais part de ma lecture, du témoignage biblique, de ma compréhension du projet de Dieu. Alors, quand je veux dire Dieu, Dieu voudrait. Ça n'engage pas Dieu. C'est ma lecture que je fais. On s'entend? OK? Parce que je sais qu'il y a des prédicateurs qui parlent, puis quand ils parlent, ils engagent Dieu. Parce qu'ils pensent que c'est la façon. C'est la seule voie. Hein? Bon. Alors, mes déclarations n'engagent pas Dieu. Mais je vais quand même dire que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, hein? Dieu a voulu que l'Église soit le lieu, l'espace d'une démonstration de sa justice. Ce que Glenn nous a très bien présenté avec son étude sur le livre d'Amos, et c'est pas fini, hein, c'est pas terminé. Okay. La justice de Dieu, c'est ce que les Écritures appellent aussi la shalom, la paix. La shalom était en réalité la justice avec la paix. Par exemple, certains textes d'Ésaïe vont dire que l'homme va vivre vieux et qu'il va voir, en somme, il va pouvoir manger les fruits des arbres qu'il a plantés, s'asseoir à l'ombre des arbres. Hein? En somme, la shalom est un concept dans la théologie de l'Ancien Testament qui, dans le Nouveau Testament, on va appeler « royaume de Dieu hein? ». ou bien souvent pour actualiser ce mot-là, royaume de Dieu, parce que le mot royaume, hein, aujourd'hui, on parle du royaume des jouets, mais pas tellement d'autres choses. Là. Même le Royaume-Uni, on n'en parle plus tellement. On parle de l'Angleterre, on parle de... Hein, donc, parce que le terme royaume de Dieu, royaume des cieux, est plus ou moins ambigu, alors on va parler du projet de Dieu. Mais là, si on parle de la justice de Dieu, la shalom de Dieu, le royaume de Dieu, le projet de Dieu, on est en train de parler de la même chose. Ce que je suis en train de dire, puis que Glenn a bien dit aussi, c'est que Dieu a voulu que l'Église, cette communauté qu'on appelle l'Église, quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », que Dieu a voulu que cette Église qu'il fonde, que cette Église qu'il bâtit, soit une démonstration de sa justice. Glenn s'est servi d'une corde pour nous démontrer dans la construction. Et Gérard connaît ça. Michel aussi, sans doute, connaît ça. Hein? Moi, j'ai vu mon père, parce que mon père, même si c'était un constructeur, un contracteur, c'était quelqu'un qui était un menuisier, il faisait beaucoup de choses de ses mains. Et j'ai vu souvent mon père se servir d'un fil de plomb. Hein? Le fil de plomb, la fameuse corde, Glenn, on attache un plomb au bout de la corde, puis là, on attache le fil au mur, et ça va donner une ligne droite, hein, conforme. Ce fil de plomb, qui est la justice de Dieu, et que l'Église doit se conformer, hein, se conformer à ce fil de plomb-là, à cette justice de Dieu, à ce caractère de Dieu, ce que Dieu est, et que l'Église devient manifestation. Je dirais, et donc ça n'engage pas Dieu, on a fait du salut personnel, on a fait du salut individuel un enjeu isolé, coupé du projet de Dieu. Tu comprends? De telle sorte qu'on a mis l'enfant, surtout dans les églises évangéliques, pentecôtistes, on a mis, même catholiques, hein, plus ou moins, on a mis l'enfant sur le salut personnel, individuel. L'enjeu, c'est d'aller au ciel. Puis ensuite, tout le tralala qui vient avec la sanctification, la justification. Puis on perd de vue le plus grand projet de Dieu, parce que tant Dieu nous sauve, c'est en vue que nous nous engagions dans son projet. De telle sorte que l'invitation, on l'a déjà vu, que l'invitation que Dieu nous lance est moins celui d'être sauvé, c'est celui de s'engager dans son projet, de devenir dans le monde et pour le monde une démonstration de sa justice. Il y a quelques années, Jacques Ellul a écrit un livre qui s'appelle « Présence au monde moderne ». Je pense qu'aujourd'hui, s'il avait à réécrire, hein, il est décédé, mais s'il avait peut-être à réécrire ce livre, peut-être qu'il l'intitulerait « Présence au monde post-moderne ». Hein? Mais dans cet ouvrage, entre autres, Jacques Ellul parle du royaume de Dieu qui est à la fois à venir et présent à l'histoire humaine, comme un avenir qui la surplombe. Et je vais citer donc Jean Tellul qui dit ceci. Les chrétiens qui sont des témoins de cet avenir, hein, le royaume, le jour où finalement la volonté de Dieu va être faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. N'est-ce pas la prière qu'on a appris? Hein? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nicolas, mais ça, hein? Priez cette prière. Merci, Nicolas, de nous le rappeler à l'occasion, cette prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce jour-là, hein? C'est un avenir qui surplombe le présent. On regarde vers l'avenir. Mais en même temps, c'est le présent. C'est ce que Jean Tellul dit, là. Les chrétiens qui sont les témoins de cet avenir ont donc la responsabilité d'attester cette présence et de l'actualiser dans leur action éthique. Et là, Jean-François serait bien content. Hein? Parce que c'est son domaine, l'éthique, non pas la morale. La morale, c'est une décision des hommes, c'est une convention d'hommes. On s'entend? Hein? La morale est donc une convention humaine. L'éthique, c'est des décisions qu'on prend qui correspondent au caractère de Dieu. Combien savent que des multinationales, il y a des décisions de nos gouvernements qui manquent complètement d'éthique. Right? Qui manquent complètement d'éthique, qui peuvent être morales ou légales. Il y a des compagnies qui prennent des décisions qui sont légales, mais il y a un manque d'éthique flagrant. Alors, Jean Kéville va dire que nous avons la responsabilité, comme chrétiens, comme individus, mais aussi comme collectivité, d'attester cette présence et de l'actualiser dans leur action éthique, comme elle l'a été de manière décisive en Jésus-Christ. Les valeurs qu'on a parlé, est-ce qu'elles étaient visibles dans la vie de Jésus? Moi, je dirais que oui. Toutes les valeurs dont on a mentionné, elles étaient visibles dans la vie de Jésus. L'enjeu de leur témoignage ne consiste pas à faire venir le royaume. Parce que c'est une erreur que certains font. Que certains groupes chrétiens font l'erreur de vouloir faire venir le royaume. Je ne peux pas le faire venir, le royaume. Mais à faire en sorte que la promesse du royaume soit toujours présente, à titre de signe, au cœur de l'histoire humaine. C'est pourquoi l'importance de la communauté chrétienne. Parce que comme individu, je suis seulement un charbon qui brûle tout seul, qui ne donne pas beaucoup de flamme. Mais comme communauté, nous sommes plusieurs qui devenons un signe dans la plus grande communauté de la présence de Dieu. Présence au monde moderne. J'aime ce titre. Et c'est un livre qui m'avait beaucoup aussi interpellé. Présence de Dieu au monde moderne. Poursuivons. Si je vous parle, ou si j'utilise le mot, il y a parfois des personnes qui me reprochent d'utiliser des grands mots. Ou des mots... On va leur expliquer le mot. Si je vous parle ce matin d'un microcosme. La définition, dans un sens moderne, d'un microcosme, alors ça désigne une image réduite du monde ou de la société ou un petit groupe. Je vais suggérer deux choses. L'Église, comme communauté, est un microcosme de la société. Et dans un deuxième temps, l'Église est un microcosme du royaume de Dieu. Quand je parle d'un microcosme de la société, entendons-nous, que ce qui existe dans la société va être représenté dans la communauté. Quand j'étais à Rosemère dans une église de 500 personnes, c'est peut-être moins évident dans 30, 40, 50 personnes. Mais si les statistiques me disent, par exemple, dans la société, qu'il y a 3 femmes battues sur 5, je ne sais pas, c'est quoi la statistique? Mais c'est pas loin de ça. Je m'attends que dans la communauté chrétienne, il va y avoir plus ou moins une représentation de cette statistique. M'entendez-vous? Que la communauté chrétienne est un microcosme de la société. Si on me dit que dans la société, il y a tant pourcentage de tel et tel individu, je m'attends à ce que dans la communauté chrétienne, que ce soit présent, de telle sorte que, comme pasteur, quand quelqu'un m'arrivait avec un problème, ou quelqu'un m'apprenait que quelqu'un avait un problème, ou une dynamique quelconque, j'étais rarement surpris. Tu comprends? Parce que je m'attendais à ce genre de problème se retrouve. Un jeune homme, à un moment donné, vient me voir et puis me confesse qu'il a un problème de zoologie. Et il pensait, je serais renversé, puis je restais cool, puis j'ai dit, OK, on va en parler. Parce que je m'attendais déjà que ce problème qui existe dans la société, à quelque part, dans un grand nombre, plus que le nombre de la communauté chrétienne est grande, plus que ça va être évident, certaines de ces dynamiques de la société vont être présentes dans la communauté. Il y a eu un temps. Vous, dans la communauté chrétienne, si quelqu'un était, entre guillemets, sauvé, on s'attendait à ce qu'il soit immédiatement parfait. On s'attendait à la perfection de lui. Il y avait le merveilleux verset de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, tu es un homme nouveau. Hein? Et puis, tu n'as plus le droit à l'erreur. Right? C'était le même. Non. Non. Ce n'est plus ma compréhension. De telle sorte que si on comprend que la communauté chrétienne est un microcosme de la société, nous allons, entre nous, devoir s'attendre et aussi être patients les uns envers les autres. Parce que de plus, l'Église devrait être. Là, je parle de la véritable. Moi, je parle d'une véritable communauté. Une véritable. J'ai déjà dit, puis je le répète, que je ne pense pas que ce sont toutes les églises qui sont représentatives du royaume de Dieu. Mais je pense que l'Église est appelée à être une représentation de ce fil de plomb. Une conformité à l'éthique de Dieu, le caractère de Dieu. Donc, la communauté est appelée à être un microcosme du royaume de Dieu. Ce qu'on a vu là, ces valeurs-là, là. Bien, Dieu s'attend à ce qu'elles soient présentes. Le préambule qu'on a mis là, nous allons prioriser les relations au lieu des programmes et de l'efficacité. C'est l'éthique de Dieu, ça. C'est pas juste du charabia des membres de la table. Je suggérerai deux autres choses en parlant de la présence au monde moderne, présence au monde post-moderne. Je l'ai déjà dit, et justement, la semaine dernière, il y avait un pasteur camerounais qui était avec nous, et puis il était très content que je mentionne ce que je mentionnais maintenant, et je l'emphase ce matin, et c'est ma conviction que le royaume de Dieu est relationnel. Le royaume de Dieu, ce n'est pas doctrinal. Le royaume de Dieu est relationnel. C'est au niveau de comment que nous vivons nos relations les uns avec les autres. La communauté devrait être une démonstration au monde de comment, malgré la présence de la dynamique de la société qu'on a mentionnée, on est un microcosme de la société. Comment est-ce que nous, dans la communauté chrétienne, comment est-ce que nous agissons, comment est-ce que nous répondons à ces réalités-là? Donc, le royaume de Dieu est relationnel. Notre objectif fondamental, puis je reviens parce que ça fait plusieurs années que, dans les premières, ça fait déjà 4 ans que je vous accompagne. C'est peut-être dans la première année que j'avais apporté une petite étude sur « Imager Dieu ». Et je suis redevable à un théologien que Glenn doit certainement connaître, Douglas Hall, qui a enseigné à McGill. Et puis, il a écrit un livre, Image de Dieu. Ou peut-être Image de Dieu, tout ça. Mais je suis redevable à sa perspective, comme ce but initial de Dieu pour la création de l'homme. Dieu ne l'a jamais perdu, c'est toujours sa volonté. Et comme communauté chrétienne, notre objectif fondamental est d'imager Dieu dans toutes nos relations, imiter Christ auprès de tous ceux que nous rencontrons. Hein? Imiter Christ, mais moi j'aime mieux dire imager Dieu. Il y a une action. Je suis en train d'imager Dieu. Comment est-ce que Dieu agirait dans cette relation-là? Puis on le voit en Jésus. Moi, j'aime regarder Jésus, voir comment Jésus faisait, puis dire, ah, j'apprends. Et de là, hein, cette fameuse phrase qu'on avait adoptée, nous apprenons de Jésus, hein, nous sommes disciples. Un disciple est quelqu'un qui apprend de Jésus à être image de Dieu. Fondamentalement, c'est la communauté chrétienne. Des personnes, des gens qui individuellement forment une communauté, mais qui imageons Dieu dans nos relations. Ça ne veut pas dire qu'on va être parfait, mais ça veut dire que ça va être toujours une remise en question. Que je peux me remettre en question, que je peux remettre en question quelqu'un d'autre, puis dire, es-tu en train d'imager Dieu dans cette relation? Il y a deux textes que je me sers. Il y en a d'autres. Mais je vais me servir d'Éphésiens chapitre 4, versets 1 et 2, et le verset 29. Entre parenthèses, je considère l'épître de Paul aux Éphésiens comme étant l'épître de l'Église. Hein? De l'Église. Les chapitres précédents, Paul, de 1 à 3, il va parler surtout hein, de doctrine. À partir de 4, il nous parle de la vie appliquée de la communauté chrétienne. Et une chose qu'il dit, regardons-le, dans verset 1, verset 2, en considération de tout ce que Dieu a fait pour nous, permettez-moi donc, en tant que prisonnier du Seigneur, de vous adresser d'instantes recommandations. Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble, doux et patient, en particulier dans vos rapports mutuels. Portez et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. C'est une recommandation de Paul. On y croit-tu ou on n'y croit pas? Okay? Et je dis cela, je vais vous dire pourquoi. Je vous parle franchement ce matin. Okay? Je vous parle franchement. Je sens que depuis quelques mois dans la communauté, de un, il y a un laisser-aller, un laisser-faire, et peut-être un niveau de susceptibilité que je ne voyais pas auparavant. Peut-être que c'était là, mais je ne le voyais pas. Mais il y a un niveau, hein, on dirait que comment qu'on dit en français, on dit la peau sensible, hein? On a la peau sensible, puis un petit rien, et j'ai eu plusieurs appels de personnes aussi qui m'ont appelé, hein? Et puis pour hein, se plaindre de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je dis que le royaume de Dieu est relationnel. C'est au niveau de nos relations. Ce n'est pas au niveau de notre doctrine, c'est au niveau de notre relation que nous voyons le royaume de Dieu, l'éthique de Dieu. Okay, verset 29. Refusez de participer aux calomnies. Si vous entendez dire quelque chose, aïe, Il y a des gens, peut-être, je l'ai peut-être moins vu dans cette communauté, mais je l'ai vu dans d'autres communautés, et je l'ai vu même par rapport à moi. Des gens qui répandent des nouvelles sans même vérifier la véracité de la nouvelle. Savais-tu que, as-tu entendu dire que, l'Église est une démonstration de l'éthique de Dieu. Oui ou non? Alors, Paul va dire, supportez-vous les uns des autres. Non, 29 plutôt. Voyons. Refusez de participer aux calomnies. Ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. Quelqu'un, je ne me souviens plus là, je ne me souviens plus, peut-être quelqu'un va s'en souvenir, mais il y a une règle, il y a une règle. Si quelqu'un vient te voir pour te dire, savais-tu? Attends. Avant de me dire ce que tu sais, un, as-tu vérifié la véracité? Deux, je ne me souviens plus cette fois, deux. Mais il y en a une troisième. Est-ce que moi, je fais partie de la solution ou du problème? Si je fais partie ni de la solution ni du problème, pourquoi me le dire? Je ne veux pas savoir. Allons-y pour Colossiens 3:13. Supportez-vous les uns les autres. Faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre. Tout est franchement, on est une petite communauté. On n'est pas 500 personnes. Cette communauté est fragile pour plusieurs raisons. Elle est déjà fragilisée par le manque d'engagement. On peut la fragiliser davantage en commençant à se plaindre les uns des autres. Si une personne dit, ben moi, cette personne-là, je ne la tolère pas. Mais vous ne pensez pas que peut-être vous énervez quelqu'un d'autre? Ouais. Je n'ai peut-être pas toujours pensé comme ça, je ne sais pas, mais je ne suis plus là. J'essaie d'accepter les gens comme ils sont. Puis, bon, OK, si la personne peut s'améliorer sur certains points, bon, good. Si on doit parler à quelqu'un, que ce soit justement avec amour, amicalement, puis en disant, écoute, voici ce que je te reproche, mais tu as des choses à me reprocher aussi, alors je voudrais que tu me dises à moi aussi ce que tu me reproches. Mais je veux dire, on est tous à quelque part détestables. Oui, on a tous, comme petite communauté que nous sommes, ne la fragilisons pas plus qu'elle l'est. Deuxièmement, si j'ai dit que le royaume de Dieu est relationnel, il faut que je le dise aussi, parce que le royaume de Dieu n'est pas juste, hein? Le royaume de Dieu ne se vit pas juste à l'interne, il se vit à l'externe. C'est pourquoi que le royaume de Dieu est aussi caritatif. Deux mots, hein? Et sur mon blog Facebook, justement, quelqu'un qui a sonné depuis trop longtemps me disait, pourquoi tu utilises le mot caritatif? Parce que c'est le mot qui convient. C'est tout. Hein? Pourquoi tu as dit ci? Pourquoi tu as dit ça? Never mind. Prends un dictionnaire, regarde ce que ça veut dire. Ça va agrandir ta culture. C'est ce que je lui ai répondu. Hein? Ça va agrandir ta culture. Le royaume de Dieu est caritatif, c'est-à-dire qu'il fait du bien. Il guérit. Et là, je pense à Matthieu 25. qui dit tout simplement, « J'ai eu faim, m'avait donné à manger. J'ai eu soif, m'avait donné à boire. J'étais étranger, m'avait recueilli. J'étais nu, m'avait vêtu. J'étais malade, m'avait visité. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. » Le royaume de Dieu est caritatif. Il guérit. Il fait du bien. Il bénit les autres. C'est Genèse 12. « Je te bénis afin que tu bénisses les autres. » Juste pour conclure, cette partie du partage, le royaume de Dieu est caritatif. Je vais citer François d'Assise, qui disait « Pratique l'Évangile chaque jour, même si parfois tu dois parler. » Moi, j'aime ça. Pratique l'Évangile. Pratique l'Évangile avec tes voisins. Pratique l'Évangile avec les membres de la communauté. Parle s'il faut que tu parles. Donne la raison de ta foi. Parle-leur de ton amour de Dieu, de l'amour de Dieu pour eux. Mais autant que possible, pratique l'Évangile dans ton quotidien. Je termine avec le psaume 90, versets 16 à 17. La version sommaire, on va la lire dans la version sommaire. Puis ensuite, je vais le reprendre dans une autre version. Dans la sommaire, et ça c'est une prière, ça pourrait être notre prière. J'ai dit tantôt que cette communauté est fragile pour plusieurs raisons dont vous les reconnaissez ces raisons. Okay? Financièrement, ça ne va pas bien à la communauté. On a de la misère à payer nos factures. Il y a un nouveau conseil de gestion qui a été nommé. On laisse un nouveau comité de gestion, comment on pourrait dire, un boulet, là. Hein? Mais c'est une réalité. Comme communauté, on doit s'engager dans la communauté, de dire, je vais soutenir ma communauté. Bien, le psaume 90, ce n'est pas juste une prière, c'est une prière qu'on peut répondre soi-même aussi par des gestes qu'on peut faire. OK? Par tout ce que je viens de dire, la communauté, l'Église, est relationnelle, le royaume de Dieu relationnel, est caritatif. Bien, le psaume 90 dit « Que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs et que leurs descendants découvrent ta grandeur. » Là, on parle de nous et on parle de nos enfants. On veut laisser une communauté chrétienne à nos enfants. Pas juste aux enfants de la communauté, mais du quartier où je suis allé de Maisonneuve. Il y a des jeunes, là, qui ont besoin du témoignage de cette communauté. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu repose sur nous tous. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Que ce soit notre prière ce matin. Fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Voyons maintenant une réécriture du psaume par Roger Gauthier. Roger Gauthier est un prêtre, hein, catholique, qui a entrepris de réécrire les psaumes en les actualisant pour le monde d'aujourd'hui. Voici comment il reproduit ce psaume. Que ton action soit visible à tes enfants et ta présence aux gens qui les suivent. Que ta tendresse de père nous enveloppe. Or, enveloppe-nous, papa. Est-ce qu'on peut dire ça ce matin? Disons-le ensemble. Enveloppe-nous, papa. Disons-le, si vous voulez bien. Enveloppe-nous, papa. Enveloppe-nous, père. Enveloppe-nous. Donne de la consistance à notre vie. Oui, donne de la consistance. Est-ce qu'on peut dire ça? Seigneur, donne de la consistance à ma vie. Que je sois constant avec moi-même. Que je sois constant avec la corde de plomb. Que je sois constant avec ton éthique. Que, comme communauté, comme individu, mais comme communauté, on doit se conformer à ces valeurs-là, là, à ces valeurs, et les vivre pour notre bien à nous, et pour le bien du monde, pour la communauté. Il y a des projets, il y a des choses merveilleuses qui attendent cette communauté si nous nous engageons dans la communauté, à tout point de vue. Nos finances, notre présence, notre comportement, nos relations avec les autres, en étant patient les uns avec les autres. En étant patient les uns avec les autres. On s'arrête là. Et ce matin, on a parlé de présence de Dieu au monde moderne. On va prendre la Sainte-Seine. Puis, là, si on va participer, je vais demander à deux personnes. Une personne de... Qui voudrait lire Luc, chapitre 22, versets 14 à 20? Qui voudrait lire ça pas tout de suite? Samuel? OK. Tantôt, tu vas venir. OK, pas tout de suite. Nicolas m'a prêté un livre qui s'appelle « L'abbé Pierre, mon Dieu, pourquoi? » Combien connaissent l'abbé Pierre? C'est un prêtre catholique décédé maintenant, je pense. Très actif en France au niveau social, contesté par le Vatican. Ils n'ont jamais osé le excommunier parce qu'il était trop populaire. Mais franchement, avec des points de vue très opposé au Vatican, avec son franc-parler à lui. Et puis, donc, dans ce livre, il répond à plusieurs questions. « Mon Dieu, pourquoi? » Est-ce que vous posez la question, parfois? Vous dites « Mon Dieu, pourquoi? » Merci, Nicolas. Je te remets le livre après. Entre autres, il y a un chapitre sur l'Eucharistie. Cœur des communautés chrétiennes. Parfois, on prend la Sainte-Seine, je sais, on la prend de façon contemporaine. Puis, tout en étant léger, on peut être sérieux. Hein? On est autour d'une table, on lève notre verre, puis on dit, hein, on, à la santé! Hein, on prend notre verre ensemble. C'est léger, mais en même temps, il y a un sérieux dans l'amitié, hein, de dire, à notre amitié. On prend notre verre. Parfois, on fait ça ici, dans notre communauté, on prend la Sainte-Seine. Ça peut paraître léger, mais c'est aussi sérieux. Parce qu'en parlant de nous, comme communauté, comme présence au monde, l'abbé Pierre parle de l'Eucharistie comme étant présence de Jésus à nous. Jésus qui parle le pain, le vin, se rend présent à nous. Je me demande, est-ce que une dame voudrait venir briser le pain pour nous? Simplement de se laver les mains avant? Non, une femme, Samuel. Une dame. Est-ce que quelqu'un? Avant, j'en nomme une. Quelqu'un veut? Quelqu'un veut? Hmm? Tu veux? Juste briser le pain pour nous, se préparer à briser le pain. Je vais inviter quelqu'un à venir lire. Nicolas, ce livre, c'est toi qui me l'as prêté. Veux-tu venir nous lire le chapitre 18? C'est pas long. C'est pas long du tout. 3 pages. Et puis, on prend le micro. Si tu veux quand même le lire de façon posée, en fait, qu'on comprenne très bien. Bon, ben, c'est le chapitre. Proche, oui, il faut que tu mettes proche. OK. Bon, c'est le chapitre 18 qui s'appelle l'Eucharistie, cœur des communautés chrétiennes. Jésus a trouvé une manière extraordinaire de rester présent parmi nous de manière cachée, par la consécration du pain et du vin qui deviennent pour le croyant présence de son corps et de son sang. De tous les sacrements, l'Eucharistie est le sacrement par excellence. C'est à la fois le testament de Jésus et l'actualisation de sa présence parmi nous. C'est celui qui me parle le plus et qui me touche aussi le plus de manière sensible. L'Eucharistie, c'est vraiment le sacrement de la foi. Hors de la foi, ce n'est qu'un bout de pain insignifiant. Avec la foi, c'est capital. Il y a chez les chrétiens plusieurs manières de concevoir l'Eucharistie. Pour les catholiques, il s'agit du Christ réellement et mystérieusement présent. Théologiquement, on parlera à la suite de saint Thomas d'Aquin de transubstantiation. C'est un mot un peu barbare qui signifie que la substance du pain est transformée, par les paroles du prêtre, en la substance de Jésus. À l'autre extrémité, la plupart des protestants considèrent l'Eucharistie comme un symbole. Le pain consacré n'est pas le corps du Christ, mais le symbole de sa présence parmi nous. Personnellement, et comme un certain nombre de catholiques ou de protestants, je me situe dans une voie médiane. Je ne me préoccupe pas de la transubstantiation, mais uniquement de la présence. Je crois sans savoir comment chercher à me l'expliquer par la raison que le Christ est mystérieusement présent dans l'hostie qui sont consacrées, peu importe de quelle manière. L'Eucharistie apporte parfois ainsi pour les croyants une présence sensible de Jésus. J'ai souvent ressenti cette immense tendresse en priant des heures devant le Saint-Sacrement exposé dans une église. Beaucoup de religieux et de religieuses vivent très fortement de cette tendresse. Je me souviens d'avoir visité le bidonville de Tuduc en 1975 à Saigon. Dans les taudis vivaient là des familles et quelques religieuses. Une mère de famille a interpellé devant moi l'une de ces religieuses. Comment es-tu toujours souriante, sans mari, sans enfant? Et la religieuse lui a répondu spontanément, c'est que je sais que je suis aimée de celui que j'aime. Cet amour, cette tendresse de Jésus est particulièrement perceptible pour les croyants dans l'Eucharistie. L'Église n'a peut-être de sens que parce qu'elle maintient la présence eucharistique, c'est sa mission fondamentale. Des petites communautés chrétiennes isolées et cachées ont tenu pendant des siècles et dans certains pays d'Asie grâce à la présence eucharistique. Voilà, merci. Alors, Jésus présent. La Sainte Cène, c'est Jésus qui sera présent à nous. Sommes-nous, on est présence de Dieu au monde, à la communauté.